où les gens viennent te voir. Viens, je viens, viens, viens. Il me reste ma guitare, je l'allumerai pour toi et on sera espagnol. Je viens, viens. Comme quand on était môme, même que j'aimais pas ça, tu imiteras le rossignol. Je puis on se trouvera un banc, on parlera de l'Amérique, où c'est qu'on va aller, tu sais, quand on aura du fric. Je viens. Et si t'es encore triste, pour rien que si t'en as l'air, je te raconterai comment. Comme quand on était beau, chef, comme quand c'était le temps d'avant qu'on soit poivron. Allez, viens, chef, viens. Ouais, ouais, chef, ouais, viens. Nostalgie 60. Nostalgie. À boire et à danser.

Harmon. Harmon. My love. When you're away, I know there's no day, and nights are so lonely. And amor, my love. Make life divine, say you'll be mine, and love me only. Nostalgie 60. Les chansons cultes des années 60. Nostalgie 60. Vous êtes au cœur des années 60. Nostalgie. About you day and night, it's only right to think.

et je l'aime toujours. See you.

Nostalgie. Il est 22h. Tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shone. Nose pressed hard in frosted glass, gazing at the swollen mass on concrete fields where grows no grass, stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone. Your milk-white skin, what's that stubble on your chin? Buried in the rot-gut gin, you played and lost, not won. You played a house that can't be beat, now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run. The days of Pearly Spencer. Almost run. The days of Pearly Spencer. The race is almost run. Si bon. C'est si bon. Oh, c'est si bon. De partir n'importe où. Oh, c'est si bon. Bras dessus. Oh, c'est si bon. En chantant des chansons. C'est si bon. Oh, c'est si bon. De se dire des mots doux. Oh, c'est si bon. Des petits rien du tout. Mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux, ah, c'est si bon. Qui me donne le frisson. C'est si bon. Ces petites sensations. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon. Si bon. Qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. Maman. c'est bon. Oh, c'est si bon. Quand je la tiens dans mes bras, oh, c'est si bon. De me dire que tout ça, oh, c'est si à bon. Moi pour de bon. Si bon, si bon, si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. Si bon, si bon. Oh, si bon. Si bon. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu.